ho, ho, ho! Good morning everyone, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la radio FNK, Radio Fadjet 94.2. Alors ça me fait super plaisir évidemment de vous avoir aujourd'hui pour évidemment un maximum de pleasure. Et oui, bah parce que évidemment vous êtes sur l'émission FNK, l'émission qui vous fait funker, découvrir, redécouvrir des sons funk, évidemment disco, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors j'ai essayé d'utiliser évidemment toutes mes voix les plus charmantes, les plus audacieuses afin de pouvoir vous faire partager les ondes funky. Alors, c'est simple, hein, je vous explique un petit peu comment ça se passe, tout simplement. Alors, c'est très simple, je vous fais écouter un son, et puis ensuite, bah, si je trouve des trucs intéressants sur le son, je vous le fais partager. Comme ça, ça vous fait un petit peu découvrir la culture afro-américaine des années 60 à 90, musicalement parlant, évidemment. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, chose importante, hein, on est d'accord, dans cette émission, évidemment, comme il s'agit que de seulement 30 minutes, il faut en profiter un maximum, max pleasure, ok? Alors, c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite par quelque chose un peu connu, et peut-être même la chorégraphie que vous connaissez peut-être. Évidemment, j'ai en tête Village People in the Navy, et après on va s'éclater, il y a certainement beaucoup de choses à dire sur ce son-là, mais c'est pas ce que vous allez croire. Allez, c'est parti, Village People in the Navy, et c'est sûr... I funk. Sail the seven seas. In the Navy. Yes, In the Navy, village people, avec l'accent s'il vous plaît, parce qu'évidemment, j'aime dire que j'ai un accent, mais j'ai pas du tout la possibilité de communiquer, hein. En tous les cas, ça me fait plaisir de vous avoir sur iFunk. Alors, une petite info, hein, sur Village People in the Navy. Alors, évidemment, ceci, en fait, c'est le troisième son, si vous voulez, donc du coup, de YMCA, hein, donc l'album en 1978 qui a cartonné, hein. Donc le troisième son, après, il n'y avait plus personne. Alors, c'est intéressant de savoir que bah, ils ont fait, c'est un des seuls groupes à l'époque qui faisait des clips, puisque bah, ça marchait tout simplement sur MTV. Je rappelle que MTV est la première chaîne où on pouvait avoir, donc du coup, bah, des clips. Ça n'existait pas avant. Alors, In the Navy, hein, ni plus ni moins, de la grosse pub. Hein, de la grosse pub pour, évidemment, la marine américaine, puisque, eh bien, si on écoute bien les paroles et qu'on a une traduction, hein, donc, merci moi, eh bien, tout simplement, c'est « Si vous aimez l'aventure, n'attendez pas pour entrer rapidement dans le bureau de recrutement. » Donc voilà, il n'y a pas de malentendu, hein, il s'agit, évidemment, de recruter le plus de gens possible dans le funk et la bonne humeur. Oh, c'est un très beau slogan, je pense que je vais le garder. Je vais le garder, alors. En parlant évidemment de funk, de joie et de bonne humeur, je suis évidemment obligé de vous présenter un son toujours aussi Pump Me Up. Ok ? Allez, c'est parti. On est parti pour Trouble Funk, Pump Me Up. Et c'est sûr. Et c'est sûr, iFunk. Might be willing, but they ain't able, cause I was that king straight from my cradle. I screamed and hollered and shook my rattle and dreamt of defeating them all in battle. There was no food in my silver spoon, so I grew up hard and I grew up soon. I'm a righteous king, but I'm hungry too, and I eat up chumps that rap like you. Then I met this shark and his name was Jaws. He was biting my rhymes like y'all bite yours. I started writing my rhymes, the shark grew and grew, but I was writing more rhymes than the shark could chew. Ha, the shark got sick and then he exploded, cause he didn't realize that my rhymes was loaded. They flew in the air and into the sea, and the whole universe knew the king was me. Come on. Not a laser beam or a diamond mine or a platinum watch or some vintage wine. Not a pocket full of pearls, I'm an oil well. Like black gold, baby, I'm Melon Mel. And to all the fly girls, I come off hard. The slightest wink or nod makes me your guard. All my problems are small, so my pockets are large. And when they walk in the door, oh baby, I'm in charge. I treat ladies like jewels and diamond rings. On my fingers, on my arms, on everything. On the streets, on the sheets, I can't be beat. So don't ask where's the beef, baby, here's the meat. I'm gonna give you some soap, a towel and a cup, cut the bum MCs are all washed up. Put your women on the line with the rest of the crew, so I can make love to her and annihilate you, punk, punk. Me what? The hip-hop rocker, the microphone champ. Gotta knock out boys like a Rolls Royce. Gotta rank the number one to be the people's choice. Cause you hum a ding, then you hum a dong. It's just like a friendly game of ping pong. When you're hitting the ball upside the paddle, it's just like cowboy riding on a saddle. Up above your head is the flash of life, cause I can rock to the beat on any God-given night. Like to rock, like to roll, like to entertain. While my car's outside, you're waiting for the train. The train to the bus to whatever. And I'm the MC to rockin' any type of weather. I'm the bow-legged brother, there'll never be another. I bought a mansion for my mother. Come on, I said come on, I said come on. I got a certain cool that breaks the rules, that get me paid and a lot of jewels. And the woman I call it day and night, that's proof I'm getting mine like a thief in the night. Because Scorp is known as the singer, the quiet storm of that lover didn't linger. I will not change cause it's in my blood. I'm like dynamite and you a rapping dud. And if the future is here in the making, then why I can't be part of the taking? Cause you know I like cars and fancy women that give me good love. In the beginning, a bubble bath in candlelight and girls saying, Scorp, you alright? So stop standing there like you're from above and just relax yourself and get in this tub. out there. If you're having a good time, everybody scream! I'm not a laser beam or a diamond mine or a platinum watch or some vintage wine. Not a pocket full of pearls, I'm an oil well. Like black gold, baby, I'm Melly Mel. It's all the fly girls. I come off hard, the slightest wink or nod makes me your guard. All my problems are small, so my pockets are large. And when they walk in the door, oh baby, I'm in charge. I treat ladies like jewels and diamond rings. On my fingers, on my arms, on everything. On the streets, on the sheets, I can't be beat. So don't ask. Ok, j'espère que ça funk bien avec Trouble Funk, Pump Me Up. Alors petite info sur ce son là, qui est assez intéressant quand même je trouve, c'est que bah déjà dans un premier temps c'est un son qui a été repris, écoutez bien, dans 153 musiques différentes, 153 musiques différentes, vous avez pu entendre une partie de ce son là. Alors justement, c'est une émission de funk, mais là, c'est un son particulier. Vous avez pu vous en rendre compte, hein. Ça sonne pas comme In the Navy ou d'autres sons comme ça, puisqu'en fait, c'est le style, hein, c'est un sous-groupe de funk, le go-go. Le go-go. En tous les cas, le plus important, c'est que c'est un groupe qui a terminé en 2008, suite, bah, malheureusement, au décès de Robert, alias Syke Dyke. Et puis, dernière petite info, j'aime bien ce genre d'info, c'est qu'en fait, ils partageaient parfois la scène avec un groupe de punk hardcore. Punk hardcore, comme Minor Threat ou les Beach Boys. Big Boys, pardon. C'est pas exactement les mêmes. ça a pas duré longtemps. Voilà, en tous les cas, eh bien, ça me fait toujours super plaisir de vous avoir, évidemment, sur Radio Fadjet 94.2. Et on est parti encore pour découvrir du nouveau son. Alors, encore une fois, je sais, je me répète, si jamais vous avez des idées de son que vous souhaiteriez partager, ou tout simplement, vous créer du son funk, bah évidemment, et évidemment, je suis là évidemment pour partager ceci sur toutes les ondes, n'est-ce pas? Il faut guérir tout ça, il faut guérir les gens, j'ai besoin de vous, donnez votre funk. Allez, on est parti tout de suite, et bah, sur un autre son, je sais pas, comme d'habitude, vous savez, à force, hein, j'hésite toujours, c'est simple, sur 30 minutes, moi, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 sons de prévus. C'est pas grave, on va... ouais, je vais vous mettre ça, ça c'est sympa, ouais. On est parti sur Cool Million Feet, Laura Jackson, Think Him In Love. Et c'est sur iFunk, c'est parti! Pick c'était plein de love, évidemment, Cool Million Feet, Laura Jackson, Think I'm in Love. Alors, petite info assez sympathique, vous diriez que ça date de quand? Années 80, 90, eh ben non, pas du tout. 2013, même moi je m'y attendais pas. En fait, c'est un groupe, je vais pas trouver les infos tout de suite de Cool Million, parce que en fait il s'agit d'un danois allemand. Donc en fait je suis sur, j'ai trouvé ça sur les sites allemands. Donc je maîtrise vachement la langue, donc c'est facile, c'est tellement facile. En tous les cas, peu importe d'où ils viennent, même s'ils sont danois, même s'ils font un featuring avec évidemment Laura Jackson n'a aucun rapport avec Michael Jackson ou la famille Jackson, qu'on soit bien d'accord. En tous les cas, ça fait toujours plaisir d'avoir du son funk récent aussi. Hein, je vous en fais écouter. La dernière fois, c'était, souvenez-vous, justement avec Bruno Mars, 24K. Et je lance encore une fois un appel. Envoyez-moi du son de chez vous. N'hésitez pas, je suis là. Ah, sur ces belles paroles sur Radio Fadjet 94.2, eh bien, nous sommes déjà à plus de 18 minutes. Il ne reste plus beaucoup de temps, je sais. Je dis toujours, toujours, toujours, toujours la même chose, mais c'est parce que le temps passe toujours, toujours, toujours trop vite. Alors, bah, pour vous envoyer un petit peu de sourire et de joie, eh bien, j'ai envie de vous faire profiter. C'est parti, cette fois-ci, on est sur The Jacksons, hein, transition, hein, Laura Jackson, The Jackson and Mick Jagger, si ça vous dit quelqu'un, évidemment. Et c'est parti sur iFunk State of Chuck, let's go! We'll be right back. Woo, woo, woo! The Jacksons and Mick Jagger, State of Chuck. Alors, State of Chuck est donc de l'album Victory 1984 des Jacksons. Donc, The Jacksons, pour être plus exact. C'est quand Michael est plus grand, sinon là, Jackson 5 quand il est petit. En gros, c'est ça. Alors, petite info assez intéressante quand même sur ce son-là, c'est que de base, vous n'étiez pas censé entendre Mick Jagger sur ce son-là. C'était, bon, j'apprécie évidemment Mick Jagger, mais il s'avère qu'en fait, à l'origine, il y a eu des enregistrements quand même. Hein, il y a eu des enregistrements de fait sur l'album Victory. Donc, les morceaux Victory, There Must Be More to Live Than This. Ils peuvent trouver des titres un peu plus courts quand même. J'ai que 30 minutes moi, de musique. Et donc, évidemment, State of Chuck devait être enregistré avec Freddie Mercury. Ces trois-là ont été enregistrés. On n'a aucune explication pourquoi. Au final, Mick Jagger. On sait pas pourquoi, alors que ça aurait été, quoi qu'il arrive, hein, évidemment, le son a cartonné, hein, c'est même celui qui a le plus cartonné des trois, mais c'est vrai qu'on aurait tous voulu entendre la version, évidemment, avec Freddie Mercury, qui aurait été sans doute assez funky, du coup, hein. Alors, eh bien, ça me fait super plaisir de vous avoir, hein, le temps passe vite, comme d'habitude, plus que 5 minutes de pleasure ensemble, bah, moi, ça me fait super plaisir. Bah écoutez, toujours pour vous faire plaisir, toujours pour vous toucher le cœur, toujours plus de funk dans votre cœur. Je balance les slogans, je les balance. Moi, je suis un gars sympa. Allez, c'est parti. On va faire un petit... j'hésite toujours. Allez, je me décide pour le dernier son. On va se mettre un peu... Qu'en pensez-vous de Rick James, Cold Blooded? Allez, c'est parti. On est sur le dernier son. C'est un son de 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Donc, bah, j'en profite. Je vais lancer le son déjà. Et puis, en même temps de lancer le son, eh bien, je vais parler un petit peu. Voilà, en tous les cas, bah, encore une fois... Le temps passe super vite, ça sera évidemment le son de la fin, ça me fait super plaisir, comme à chaque fois de vous avoir chaque semaine pour découvrir et redécouvrir des sons funk. N'hésitez surtout pas encore, je sais, je le répète, à me faire partager vos sons que vous souhaiteriez faire partager justement à tous les auditeurs, hein, évidemment. Et puis, bah, surtout, là, il fait de moins en moins beau, mais c'est la raison pour laquelle écoutez de plus en plus de funk. Hein, donc, je suis votre médecin traitant de funk, n'est-ce pas? Donc, funk le matin, funk le midi et funk le soir. Hein, c'est très important. Voilà, et surtout, répétez le plus possible. Surtout, n'hésitez pas, hein, c'est plus puissant que des vitamines, n'est-ce pas? Et en tous les cas, j'ai fini de dire n'importe quoi. Je vous remercie, je vous adore. Profitez un maximum de la vie, de la semaine déjà, de votre week-end déjà, et je vous laisse profiter. Rick James, Cold Blooded, sur iFunk Radio Twaget 94.2, et je vous adore. Ciao les funky! We'll be right back. Ciao, ciao. À la semaine prochaine, évidemment. Allez, moi.